Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour deux heures de rock progressif en compagnie de Jimmy Farley. Et aujourd'hui à l'émission, je vous propose The Samurai of Prog, qui est un groupe multinational. On aura Carfagen d'Ukraine, Théo des États-Unis, on aura Murple d'Italie, Palace d'Angleterre, The King of Agogic d'Allemagne, Taylor's Universe du Danemark et Light Damage du Luxembourg. Alors, comme à l'accoutumée, le premier bloc de l'émission est consacré à un album que cette semaine j'ai choisi, The Samurai of Prog. C'est une nouveauté qui est parue il y a quelques semaines et une demi-nouveauté, devrais-je dire, parce que même si c'est le sixième album studio, il y a seulement sur les 10 pièces que comporte l'album, il y en a seulement 4 des nouvelles. Les autres proviennent d'archives de pièces qui ont été faites ou produites pour les albums précédents. Je rappelle que l'album actuel qui vient de sortir, c'est le sixième album du groupe. Donc, les 5 albums précédents, bien, il y avait des pièces qui étaient laissées de côté. Et 6 d'entre elles bien, sont apparues sur ce nouvel album. Et je disais qu'il y avait 10 pièces, dont la plus longue est de 10 minutes 37. Ils ont usé de réserve parce qu'ils nous ont habitués à des pièces pas mal plus longues que ça dans le passé. D'ailleurs, sur Lost and Found, il y avait une pièce de 57 minutes. Alors, ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que je vous propose 4 pièces qui durent entre 4 et 9 minutes et 50. Et les pièces s'intitulent Elytropia, Keep the Ball Rolling, La Obscuridad. La Obscuridad, c'est chanté en espagnol. Ou en portugais, en fait, c'est avec Lalo Huber d'Argentine qui apparaît en compagnie finalement de 18 ou 19 autres artistes invités. On sait que le groupe comporte un noyau de 3 musiciens, de Steve Unruh, Marco Bernard et Kimo Porsti. Mais pour l'occasion, avec ce nouvel album-ci, on a 18 musiciens invités, dont Brett Cole de Ecolin puis Lalo Huber de Nexus d'Argentine, pour ne nommer que ceux-là. Et je vais avoir une grande parenthèse, mais on va conclure le bloc avec The Sleeping Lover. Alors, l'album s'appelle Archivarum et voici 4 pièces. We'll be right back. me llegará a calmar. Es mi pasión, algo desmedida. La reflexión deja de ocultarse. Mi represión pierde su poder. La negación grita y me desgarra. Es así. Todo se va a revelar. Sé que el sol se irá cuando deba ser, porque esté Dios. Solo sé que espera por su amor, que lo deja brillar y no nos deja probar. La oscuridad, la oscuridad. nada conseguimos. La confusión nunca nos dejó. El hombre azul duerme atrás del cielo y va a eclipsar toda condición. Sé que es así. Todo se va a revelar. Sé que el sol se irá cuando deba ser, porque este Dios. Solo sé que espera por su amor, que lo deja brillar y no nos deja probar. Night. him, and when she wasn't watching, he stole the substance, unaware of the essence he was drinking, and soon fell fast asleep, knowing not the reason. She rushed to find a way to cover up this secret. This man seems to just a false little alors, c'était The Samurai of Prague avec quatre extraits de leur plus récent album Archivarum. Et après la pause, nous aurons Carfagan d'Ukraine et Théo des États-Unis. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce deuxième bloc de l'émission Rock de Neurones, je vous propose un petit voyage en Ukraine et avec la formation Carfagan. Carfagan qui a déjà quand même 9 albums depuis 2006, donc c'est presque un album par année. Et ce qu'on va écouter, bien, c'est un extrait de l'album Solitary Sandpiper Journey. Ça, c'est paru en 2010 et la pièce est Carpathians. Et ensuite, ça sera suivi du groupe américain Théo, qui nous ont sorti un très bon album en 2014. Et ça recèle encore quelques pièces qu'on n'a pas fait jouer dans l'émission, dont Exile, que je vous propose. Et c'est d'une durée d'11 minutes. Donc, les deux pièces totalisent 24-25 minutes et ça va occuper le bloc en entier. Alors, on débute ça avec Carfagan. Thank you. As I walked by the sacred space, I heard a painful moan. Couldn't resist a peek inside, but how could I have known? All I thought was true lay bruised and naked before my very eyes. The odor of wine crept through the air, his sleeping body stirred, covered my eyes too late to turn the vision into blur. All I ever praised lay dazed and mewling like a baby child. When I told them what I'd done, they covered the drunken one. They did not look. It was soon after he arose, he knew that I could see. His fury had offered me no repose, but he was man like me. All the things he said lay dead and dying before his failed disguise. His anger like a flood, he spat and cursed my blood. He said throughout the land, we'd be servants to every man. are these strangers I see? With clothing so odd and tongues I can understand, and yet they don't stare. They don't even know my tribe or God. And I'm a grain in the sand, alone again anew. I am a drop in the sea, alone again anew, alone. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation américaine Théo et une pièce extraite de leur seul album paru en 2015. L'album s'intitule « The Game of Ouroboros » et la pièce qu'on a entendue, c'est « Exile ». Ça, ça a été précédé de la formation ukrainienne Carfagen et la pièce « Carpathians ». Ça, c'est extrait de leur troisième album paru en 2010, « Solitary Sandpiper Journey ». Alors, après la pause, « Murple » d'Italie et « Palace » d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission de cette semaine. Et ce que je vous propose, c'est un groupe italien qui n'est pas très connu. C'est un groupe qui a sorti un album en 1974. Le groupe se nomme Murple. Et l'album, c'est Io Sono Murple. Ça, c'est un album que j'ai acquis en 1974. Là, ça a été, en tout cas, ça, c'est pas quelque chose qui a circulé beaucoup, mais étant donné qu'on était très un petit réseau d'amis qui surveillaient les nouvelles parutions, bien, on s'est tout garoché à Montréal chez l'Alternative. Non, je pense que c'est Fantasmagoria à l'époque, où on s'est procuré Murple. Il y en avait quelques albums disponibles seulement, puis c'est disparu très vite. Et c'est tombé dans l'oubli parce que Murple n'a rien sorti en 34 ans. Ils ont produit quelque chose en 2008 qui est passé presque inaperçu. Puis en 2014, il y a Il Viaggio, c'est un album ça, qui a reçu une très bonne critique. Mais je reviens à Murple 1974, c'est la même année, pour ceux qui ont de la mémoire comme moi, c'est la même année que l'album éponyme de Il Volo est sorti aussi. Et beaucoup d'autres, là, comme PFM, en tout cas, pour ce qui était du rock progressif italien, 73, 74, 75, 76, là, ça a été des années merveilleuses. Alors, je vous propose une pièce qui s'intitule « Atlantide ». Et après, pour conclure le bloc, nous aurons Palace, qui est une formation britannique, qui est quand même a été... ça, c'est un groupe qui, avec Pendragon et IQ et Marillion dans les années 80-90, qui a fait de très bons albums. Et le plus récent, mais il date de 2014, c'est le septième du groupe, c'est « We Are Who We Are ». Et on va entendre la pièce « And I Wonder Why ». Alors, on débute ça avec Murple. Thank you. che forma non ha nessuna scelta, dipende da me. Alors, c'était Palace d'Angleterre et la pièce I Wonder Why, tirée de We Are Who We Are. Ça, c'est paru en 2014. Et auparavant, nous avions une pièce presque, on peut parler d'anthropologie, là, Murple d'Italie, et la pièce Atlantide, tirée de In Sono Murple, paru en 1974. Alors, après la pause, King of Agogic, Taylor's Universe et Light Damage. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour ce dernier bloc de l'émission, on va faire un petit détour en Allemagne avec King of Agogic. Ça, c'est le projet d'un batteur allemand du nom de Hans-Jörg Schmitz. Et il a 6 albums studio à son actif. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de Excel Beats qui est paru en 2014 et ça s'appelle Sheol. Ensuite, nous aurons Taylor's Universe, qui est un groupe du Danemark. C'est rare qu'on a des groupes du Danemark. Taylor's Universe, qui a déjà quand même une bonne brochette d'albums. Là, c'est 15 albums studio. Et c'est du jazz fusion avec un petit peu d'expérimental. En tout cas, c'est très... pour ceux qui aiment les aventures qui sortent des sentiers battus, alors c'est un groupe qui est digne d'intérêt. Et ensuite, on va conclure le bloc avec un groupe qui nous vient du Luxembourg. C'est très rare qu'on a des... Je pense, moi, le seul autre groupe du Luxembourg que je connais, c'est The No Name Experience. Alors, c'est pas un pays où il sort beaucoup d'artistes. Et Light Damage, mais c'est un groupe qui a sorti un album en 2014. L'album, c'est un album éponyme et on va entendre la pièce Eden. Alors, on débute ça avec King of Agogic. Thank you. I decide to live as a dreamer every day and every night. Thank you. C'était Light Damage du Luxembourg, précédé de Taylor's Universe du Danemark. Et au début du bloc, nous avions King of Agogic d'Allemagne. Alors, je vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurone. Entre-temps, si vous voulez consulter la page Facebook de l'émission, vous allez y retrouver toutes les informations concernant la musique que vous avez entendue aujourd'hui. Alors, bonne semaine!